Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme toutes les deux semaines, on va parler jeux, évidemment, mais aussi de plein d'autres choses, et de plein de formes de jeux, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société. Et aujourd'hui, on va encore se triturer les méninges. On vous a prévenu dans le dernier podcast que le programme à venir va être très cérébral, dirons-nous. Et aujourd'hui, une question un peu littéraire, avec cette interrogation, le jeu est-il un discours poétique ? Alors, d'où ça vient cette question ? En fait, c'est une histoire de rencontre, un peu comme dans Ludologie, quoi. C'est en fait une rencontre avec JB, qui fait partie de 3Hit Combo, et qui co-organise, avec moi-même d'ailleurs, les cafés débats de l'association, à Rennes, au Sins 42 pour être précis, et donc... JB s'intéresse à qui a fait un master de lettres modernes, s'est intéressé à cette question du jeu, est-il un discours poétique, et donc on a trouvé qu'une intervention à un café débat était hyper pertinente et on voulait la faire partager au plus grand nombre. Et je vais laisser mon camarade Manuel pour poser la première question. Alors la première question, ça va être un petit peu pour dégrossir le... Bonsoir, voilà, bonjour. La première question, ça va être un petit peu pour dégrossir le terrain. Dans discours poétique, discours, on a une assez bonne idée de ce que c'est. Poétique, je crois que dans son acception littéraire, c'est un sens particulier. Ça ne veut pas dire que c'est un truc fait avec des poèmes. Oula, alors... Ouais, alors... Je vais être obligé un petit peu de resituer les choses par rapport à tout ça. Parce qu'il faut se lancer, il faut commencer. Quoi. Est-ce qu'on parle de discours poétique ? Je ne sais pas si on utilise vraiment, enfin on peut utiliser cette formule. Je ne sais pas comment trop aborder cette question-là. Comme ça d'entrée de jeu. Parce que oui, en fait, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la poésie. Mais comme ça, d'entrée de jeu... La poésie en littérature, elle est restreinte à l'écriture, quoi. Donc, dès lors qu'on va devoir parler de poésie dans les jeux, on va être obligé d'aborder la chose autrement, plus largement, et donc aller au-delà de la notion de discours, parce qu'il y a la poésie par l'image, la poésie dans le mouvement, comme elle peut apparaître dans la danse, par exemple, la poésie dans la musique, etc. Donc, évidemment, très très rapidement, je vais être amené à élargir un peu ce concept. Quelque chose de plus ouvert. Après, la notion de discours, si elle intervient là, au départ, c'est effectivement que j'avais fait cette intervention dans un café débat où j'exprimais cette idée selon laquelle, pour moi, l'approche narrative, en tout cas l'approche dite narratologique, ne fonctionne que partiellement dans le cas des jeux. Et je proposais la possibilité d'ouvrir à des voies moins explorées, à mon sens, qui sont effectivement les discours. Au sens finalement de médias, avec tout ce qui va tourner autour des news games ou également de tout ce qui est de l'ordre du documentaire interactif. Je sais qu'il y a des mots techniques pour parler de ça, mais c'est moins mon domaine, donc effectivement je ne les ai pas. Et de l'autre côté, la poésie qui me semble être une voie largement sous-estimée ou sous-exploitée dans les jeux vidéo en particulier, puisque ça a été mon objet de recherche, et dans les jeux plus largement, puisque c'est l'objet de Ludologie. Alors... Reprenons depuis le début, justement, dans cette construction. Ta prémisse, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la narration, mais en tout cas qui s'éloigne d'une narration littéraire dans l'écriture telle qu'elle est proposée dans les jeux. Comment est-ce que les choses se différencient, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on pense tous assez naturellement à des jeux à histoire, même s'il n'existe pas que ça, et a fortiori en jeu de plateau par exemple, hein, mais en jeu de rôle ou en jeu vidéo, des jeux à histoire avec une composante cinématographique ou littéraire, c'est quelque chose qui nous vient assez rapidement en tête. Bah, quelque part tu donnes déjà les pistes sur lesquelles je vais partir quand tu dis avec une composante littéraire ou cinématographique. Effectivement, ça intervient très souvent comme une composante. Alors finalement, c'est une vieille problématique que cette question de la narratologie et de la place de la narration dans les jeux vidéo. Il se trouve que c'est la question que j'ai traitée. Je l'ai traitée en 2010, enfin sur les années 2009-2010. Ça commence déjà à dater, hein, finalement, par rapport à ces objets de recherche qui évoluent très très vite aujourd'hui. Quelque part, c'est une polémique qui a un peu dépassé, qui a pu réellement lieu d'être. Après, effectivement, il y a toujours cette distinction à faire quand on parle de recherche dans un cadre universitaire entre langage savant et langage courant. Et c'est vrai qu'en langage courant, moi le premier, je vais dire « Ah ouais, ce jeu, il y a une super histoire » ou des choses comme ça. Donc il s'agit bien de distinguer de quoi on parle. Est-ce qu'on est en train de se poser un problème en langage savant quelque part, ou est-ce qu'on est simplement en train de communiquer rapidement parce que l'objet de la communication, il s'agit d'autre chose, de partager peut-être une émotion, un sentiment, une expérience de jeu ou autre. Donc pour revenir très rapidement, on va dire, sur cette question de la narration, en fin de compte, mon approche, elle était théorique, donc ça veut dire qu'elle avait un côté très conceptuel, assez abstraite. Et très souvent, quand il y a un concept, Deleuze disait on ne crée pas un concept comme ça pour rien, on crée un concept parce qu'il y a une nécessité, il y a nécessité de créer un concept. Alors, très souvent, les recherches universitaires ne disent pas leur réelle motivation, elles ne disent pas leur réelle nécessité. Moi, dans mon cas, j'ai eu une première phase il y a peu près dizaines d'années où je me suis posé cette question. J'ai eu cette espèce de dichotomie entre jeu et narration littéraire. Je sortais d'une phase plutôt artistique et de peinture pour être précis. Et à ce moment-là, je me posais la question de la représentation. Je me disais, mais finalement, bon, l'image, c'est bien, mais ça bouge pas beaucoup. Dans les jeux, il y a de l'image qui bouge et puis il y a des actions. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi ces livres, ces romans, beaucoup de science-fiction à l'époque. Et je me disais, mais là aussi, ça bouge et il y a de l'action. Et donc, c'est bizarrement, il y a 10 ans, j'avais déjà cette intuition de quelle est la place de l'action dans le jeu vidéo et dans une narration type récit littéraire. Et j'avais à ce moment-là dit, mais dans les livres, il y a infiniment plus de possibilités de représentation d'action que dans les jeux, parce qu'effectivement, le nombre d'inputs, etc., fait que les actions ont une certaine limite qu'on ne trouverait pas en littérature. Bon, c'était un balbutiement, c'était peut-être maladroit par certains côtés, mais c'est là que ça se trouvait. Il se trouve que 10 ans plus tard, entre-temps, j'ai effectivement fait une licence de lettres et que j'en arrive à devoir choisir un sujet de maîtrise, enfin un sujet de mémoire, pardon, sur lequel je souhaite travailler. Et la nécessité, c'est là qu'elle apparaît, c'est qu'en fait j'ai passé ma licence à jouer à des jeux, à lire très peu de bouquins. Donc effectivement, ça pose un certain problème, parce que là j'ai une matière conséquente, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup exploré ça, mais le ça en question, ce sont les jeux vidéo et pas la littérature, donc ce qui pose effectivement un problème. Ça, et effectivement, généralement on le dit pas dans l'introduction du mémoire. Moi, il se trouve que à partir de là, je me suis dit, j'ai autant vraiment comprendre cette nécessité, d'où elle part, où est-ce qu'elle veut aller. Et il se trouve que quand on fait une recherche en université, il faut rentrer dans les cases, et une des cases, c'est est-ce que ça va être une recherche en quoi ? Est-ce que ça va être une recherche en littérature médiévale, en littérature française du 17e ? Bon, bah, spontanément, évidemment, le problème des jeux vidéo semblait s'insérer très naturellement dans le problème de l'adaptation, donc finalement ce qu'on appelle la littérature comparée. Et finalement, mon objet de recherche réellement, c'est peut-on faire de la littérature comparée avec les jeux vidéo ? Ce qui finalement montre que la recherche peut être quelque chose d'extrêmement ouvert, puisque là, il s'agissait de savoir si cette recherche méritait d'être ou pas, quelque part. Donc c'est s'il y a quelle passerelle, comment on peut faire de la littérature comparée entre littérature et jeux vidéo. Et évidemment, moi j'étais parti sur une mise en parallèle assez schématique des procédés narratifs en utilisant des choses qu'on appelle comme le schéma de Grémas, etc. Donc tout ce qui est issu des formalistes russes et des structuralistes sur l'analyse du récit, etc. Bon, on m'a très vite fait comprendre, parce que j'ai une directrice de recherche assez exceptionnelle, que ce serait très vite limité et que finalement on se retrouverait rapidement face à une sorte d'inventaire d'un certain nombre d'outils qu'on pourrait faire passer de l'un à l'autre, etc. Ce qui est intéressant en soi, mais peut-être pas suffisant pour un mémoire de maîtrise. Donc de là, on a décidé de partir, de revenir à vraiment quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et on est remonté à Aristote. Et je vais être obligé de faire une petite parenthèse sur Aristote, parce que... Oui. Je me permets de t'interrompre juste une toute petite seconde, mais j'ai quand même une question avant qu'on attaque sur Aristote. Quelle a été la réception par disons la communauté universitaire de ton sujet, parce que j'imagine que le traitement du jeu quand on est en filière littéraire est pas forcément quelque chose qui va de soi. Et je vais ajouter quelque chose à la question, parce qu'on a déjà eu quelqu'un en littérature comparée, Coralie David, souvenez-vous sur le podcast sur le jeu et la recherche, elle c'était en jeu de rôle, donc c'est une matière de lettres assez évidente, mais justement, qu'en est-il pour le jeu vidéo où ça a l'air plus flou ? Alors, en fait, c'est extrêmement simple de répondre à cette question, parce que globalement, tout le monde, tous les professeurs à qui j'ai parlé de ce projet m'ont encouragé vivement, et ont aussitôt exprimé par contre les difficultés que eux auraient à m'aider à mener cette recherche, parce qu'ils m'ont dit mais oui tout à fait c'est tout à fait intéressant, mais moi pour moi les jeux je connais rien, ou ils me disaient pour moi les jeux c'est mon fils qui joue toute la soirée avec lequel voilà. Donc c'était j'ai beaucoup aimé, parce que pour le coup j'ai vraiment reçu un accueil favorable. Il y a finalement une première personne qui a accepté de me suivre qui était plutôt issue du cinéma, enfin qui faisait de la littérature comparée avec le cinéma, mais très rapidement également finalement ça s'est avéré ne pas être la bonne piste, et puis ma directrice de recherche qui est arrivée à ce moment-là, et finalement on est parti là-dessus. Et ta question ? C'était ça, c'était sur le... Ah oui, c'est ça, oui. Donc, ah oui, Aristote du coup. Aristote. Donc... Pourquoi Aristote ? Parce qu'effectivement, il a écrit un ouvrage qu'on appelle la poétique d'Aristote. La poétique, en termes aristotéliciens, en fait, c'est l'ensemble des... C'est un ars, c'est-à-dire... c'est un peu la racine de artisan. Donc, c'est tout un ensemble de techniques, de savoir-faire, etc., de procédés. C'est en fait un des premiers ouvrages, en tout cas en Occident, de théorie littéraire, pour le dire très simplement et très schématiquement. Alors pourquoi il est intéressant ? Parce que déjà c'est un des plus anciens, qu'il a été commenté et a largement contribué à l'histoire des lettres au travers les siècles. En tout cas les siècles où on avait Aristote, parce qu'il y en avait où on ne l'avait pas trop. Ça a donné des choses très différentes et très intéressantes aussi du coup. Et donc ce texte de la poétique, il est assez compliqué, parce qu'en réalité il est parcellaire, il est pas complet, je crois qu'Aristote a pas eu le temps de le mener au bout, et donc ça soulève beaucoup de questions, mais il est assez court, donc ça permet finalement avec une lecture attentive de voir où est-ce qu'il voulait en venir. Bon, alors pour faire très vite, parce que c'est très compliqué Aristote, mais on va dire que lui, ce qui l'intéresse réellement finalement, c'est la cité, c'est la question de la gouvernance. Ce qui l'intéresse, c'est comment bien gouverner. C'est ce qui a donné l'aristocratie. Ça vient de Aristote. Donc face à ça, il se pose la question qui est finalement une question ancienne et qui se pose toujours à nous aujourd'hui, qui est celle finalement quelque part de l'état de droit aujourd'hui. Dans le contexte actuel, ça prendrait cette tournure-là. C'est de créer des individus libres, des individus qui savent quelque part, qui sachent s'auto-gouverner de manière à ce que la cité fonctionne bien. Et face à ça, il va essayer d'interroger la place. Enfin, il fait une vraie théorie, une vraie observation de ce qu'est à l'époque le théâtre grec, mais à travers cette théorie évidemment lui il y insère ses propres problématiques qui sont celles de la cité, et donc c'est à la fois une théorie, une abstraction, et également il y a un parti pris, c'est ça que je veux dire, chez Aristote il y a un parti pris. Et ce parti pris, c'est qu'en fait, il va dégager de son observation du théâtre tout un pan qui a été largement méconnu jusqu'à il y a quelques années, on va dire. Et ce pan, c'était la partie ludique de ces jeux. Elle a été en fait totalement mise de côté par Aristote, qui s'est intéressé uniquement au récit, à la partie récit. Donc quelque part, il a extrait du théâtre qui était tout un ensemble de, c'était tout un dispositif très complexe avec des jeux, ça durait plusieurs jours, etc. Et il a mis, il a extrait de ça uniquement le récit comme un objet autonome qu'il a séparé finalement de cette part ludique du théâtre grec. Y a un livre sur le sujet, je vais le citer simplement le titre parce que l'auteur ne va pas me revenir comme ça, c'est Aristote ou le vampire du théâtre occidental. C'est une québécoise, il me semble, qui a fait son travail sur ce sujet-là. Donc, dans la poétique, Aristote parle de quelque chose qu'il appelle la mimésis. Il y a eu beaucoup de questions autour de la traduction de ce terme-là. On peut le traduire techniquement par représentation, il s'agit de représenter, mais le terme qu'on emploie plus souvent et qui me semble plus juste finalement est la notion d'imitation. Il y a tout un tas de questionnements autour de l'imitation et de la représentation chez Aristote qui a largement été commenté depuis. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu là-dessus, parce que la représentation, la mimésis, elle est de deux ordres. Il y a la représentation, l'imitation ludique, d'une part, et il y a l'imitation d'action. L'imitation d'action, chez Aristote, c'est ce qui va donner la tragédie. C'est-à-dire que pour lui, il dit la tragédie, c'est l'imitation d'action d'homme de telle vertu, alors que la comédie, c'est de telle autre vertu, etc. Il fait des catégories comme ça. Et lui, c'est tout ce qui l'intéresse, en fait. C'est celle-ci. Donc, il va évacuer l'autre, la mimésis ludique. Alors de là, il faut que je rebascule sur mon sujet, parce que simplement il faut expliquer ce qu'est la narration à partir de là. ça va aller plus vite, parce que sur Aristote, on s'embrouille toujours un peu. Alors, en fin de compte, la narration, c'est la représentation d'actions enchaînées. Je vais très vite, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'une narration, c'est toujours mettre des actions, les lier les unes aux autres, de manière à leur donner un sens. C'est ce qu'on attend généralement d'un récit, c'est qu'il produit du sens. C'est d'ailleurs toute sa force, c'est pour ça qu'il est très largement employé par toutes les formes de pouvoir. Le récit produit du sens. Et quand on manipule le récit, on peut manipuler le sens. Donc c'est pour ça qu'aucun livre n'est innocent, qu'aucun roman n'est neutre. Et le langage lui-même n'est pas neutre. Donc cette narration, elle a vraiment un fonctionnement qui est très, vraiment très clair. C'est-à-dire qu'il s'agit de considérer que les actions ont des conséquences et que ces conséquences sont le fruit des intentions qui les ont portées. Autrement dit, Aristote va amener finalement à un changement de paradigme dans l'application de la justice, ce qui va donner, enfin, il aura beaucoup de successeurs indirects, mais c'est-à-dire qu'avant, les châtiments correspondaient aux crimes. Si tu as volé, on te coupe la main. Si tu as menti, on te coupe la langue. Quel que soit l'ordre du mensonge ou du vol que tu as omis, c'était tel châtiment. À partir d'Aristote, on commence à comprendre que, ah bah oui, mais peut-être que voler une orange pour nourrir son enfant, c'est pas la même chose que voler quelqu'un dans le besoin par égoïsme, par exemple. Donc, on rentre dans la logique de l'intention. Et c'est ça, un récit. En fait, un récit, c'est toujours un petit procès. Il y a toujours derrière l'idée d'une intention et de ce qu'elle vaut, de quelle est sa valeur, est-ce qu'il faut la condamner, la juger, etc. Et pour parler d'un des grands récits fondateurs de notre civilisation, la Bible n'est qu'une espèce d'immense récit, d'immense procès entre Dieu et l'homme de qui est le véritable coupable. Alors, on a déblayé très, très largement... On a commencé à déblayer la poétique d'Aristote. Et je veux revenir sur l'idée de narration qui me semble centrale pour après aborder vraiment le poétique, ou la poétique, ça pourrait être intéressant. Avec une question qui paraît un peu dure, mais qu'est-ce qui est narration? Parce que par exemple, quand je joue à Tetris ou au Mikado, en quoi c'est une narration? En quoi il y a une intention là-dedans? Alors, très bonne question, ça me permet vraiment de continuer sur ma lancée, parce qu'effectivement, l'humain est un animal qui fictionnalise énormément. C'est l'un de nos traits de caractère, c'est qu'effectivement on fictionnalise systématiquement. On est même entraîné à ça, en particulier depuis 200 ans avec la domination du roman comme forme littéraire, justement, comme forme littéraire noble, c'est-à-dire que justement elle produit du sens, et la production de sens est quelque chose d'extrêmement valorisé, en tout cas dans notre civilisation aujourd'hui. Et on est sans cesse encouragé à produire du récit. Il faut produire le récit de sa journée, produire le récit de son parcours professionnel quand on va écrire une lettre de motivation, etc. Donc on est entraîné à produire du récit sans cesse. Donc quelque part, on produit du récit, on fictionnalise, on se crée des récits via Facebook, etc. Toutes ces choses-là, finalement, fait qu'on est amené à... On se raconte des histoires, on passe notre temps à se raconter des histoires. Et effectivement, rien nous dit que ces histoires ont une quelconque pertinence, en tout cas dans un premier temps, en considérant les choses du point de vue des phénomènes qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on serait face à un monde phénoménologique et puis c'est finalement le récit n'est qu'un moyen d'avoir accès, enfin c'est quelque chose qui serait proprement humain. Bon, donc ça voudrait dire qu'effectivement un jeu comme Pong ou comme Tetris, il n'y a absolument aucune narration là-dedans autre que celle qu'on veut bien y mettre, y placer. Si on prend un jeu de course, parce qu'avec Tetris et Pong ça peut être un peu plus compliqué, mais un jeu de course de voiture, on peut jouer au timer, on peut jouer effectivement à la vitesse, des choses comme ça, et on peut tout à fait se raconter qu'on est Schumacher au volant d'une voiture, on peut se raconter un peu ce qu'on veut. C'est finalement également ce qu'on fait avec les Playmobil, avec les Lego, etc. On dispose d'abord les personnages, on peut créer un décor, et puis finalement ensuite on se raconte une histoire. On peut se raconter des tas d'histoires, et puis quand on est à plusieurs, avec un frère, une sœur, voilà, on va négocier des pans d'histoire, des arcs narratifs, en disant « Ah non, moi je préférais que ce soit les pirates qui fassent ça, etc. » Donc effectivement, il y a tout un tas d'objets comme ça, spontanément, où il est évident que la narration vient de nous, c'est nous qui la produisons. Alors effectivement, pour la produire, certains objets sont pensés avec une représentation, quelque chose de visuel qui nous incite à penser, bah oui, pirate, chevalier, on pense tout de suite plus à des armes, à de l'action de ce type-là. Donc oui, effectivement, c'est là qu'on voit tout à fait cette disjonction entre une mimésis finalement ludique et une mimésis narrative. Donc c'est finalement aussi ce qu'on va retrouver après, mais sous un autre axe, dans les problématiques d'éthique du jeu liées à la violence, liées justement, parce que quand on parle d'imitation, etc., c'est tout ce qu'il y a derrière l'idée que les joueurs pourraient être amenés à reproduire les actions auxquelles ils s'entraîneraient dans les jeux, dans la réalité. C'est comme ça que c'est formulé, en tout cas. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant, parce qu'en réalité, ça marche assez peu. C'est-à-dire que finalement, c'est assez difficile d'éprouver la même empathie, la même implication, en tout cas en termes de sens, avec des PNJ, avec des... comment dire... C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on fait tellement le lien entre narration et jeu qu'on a du mal aujourd'hui à se rendre compte d'une chose dans un premier temps. Moi, c'est quelque chose, j'aime beaucoup parler de ça, c'est que les jeux vidéo sont beaucoup plus proches des marionnettes. Ce sont des marionnettes, ce sont des squelettes articulés, alors sauf que c'est pas des fils, c'est du calcul qui fait bouger les marionnettes, mais dès qu'on va un peu dans cette préhistoire de la 3D, c'est assez fascinant de voir comment on est face à des masques africains qui sont animés, face à des petits décors qui sont vraiment comme les décors des marionnettes quand on est enfant, qui sont faits pour suggérer et pas pour montrer. On n'est pas dans du décor de cinéma, on est dans de la suggestion, et donc il y a bien une imitation de mouvement, une imitation ludique. Donc, dans un premier temps, le procédé même du dispositif est ludique dans le procédé d'imitation. Le procédé, par exemple, d'écriture d'un roman, on peut y mettre du ludique si on veut, parce que de la même façon que l'humain fictionnalise ou produit de la narration, il est également dans le jeu. Ça fait partie de nous. Mais effectivement, le procédé de production d'un théâtre de marionnettes, il est ludique. Mais pour autant, il y a aussi au-delà du ludique, le jeu il est en soi porteur de sens et éventuellement d'un récit. Quand on joue à un jeu comme This War of Mine ou Paper Please, il y a un discours derrière qui est une réalité et qui est amené aussi au-delà de l'aspect ludique du jeu, qui est amené à faire réfléchir le joueur. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que là, effectivement, il me semble que, justement, les narrations, en tout cas, telles qu'elles sont présentées habituellement, le drama, la tragédie, l'histoire, etc., fonctionnent assez peu ou assez mal. C'est que l'objet s'y prête assez mal. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'un individu peut éprouver une immense implication, etc., comme on peut éprouver énormément d'implications dans des tas de domaines. Mais l'objet en lui-même est moins favorable à ce type d'implication. Après, effectivement, je pense qu'il est plus facilement favorable à quelque chose de l'ordre du discours tel que tu le disais, parce qu'il s'agit finalement, au moyen d'une analogie, de reproduire comme en laboratoire une situation qu'on rencontre dans la vie réelle. L'exemple de Papers, Please est terrifiant. Moi, je l'ai joué pas très longtemps parce que voilà, j'ai très vite compris que c'était épouvantable. J'avais déjà une vision épouvantable de ce type de régime, et après celle-là, c'était presque plus viscéral encore. Mais j'ai pas eu besoin de longtemps, quoi. C'était une très bonne expérience. Je pense qu'en termes de discours, ça fonctionnait très bien. D'autant plus que ce jeu a vraiment été bien pensé parce qu'il n'y a pas de récompense a priori qui favorise un type d'attitude ou une autre. Et c'est en cela, c'est pour moi, on rejoint derrière ça, c'est le problème abordé par Camus dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que l'univers, enfin, l'homme a ce grand cri, la grande question du sens, face à ce monde qui paraît absurde, et le monde répond, enfin, l'univers répond dans un silence obstiné. Et Camus dit, il n'y a que la révolte, du coup, qui puisse être la réponse face à... Bon, Paper Please, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le jeu nous répond dans un silence obstiné, il ne nous dit rien, il est pas là pour nous dire t'as bien agi, t'as mal agi. En cela, pour moi, il est fondamentalement éducatif, parce que justement il ne nous dit rien, il nous laisse le choix. C'est pour ça que je pense qu'il est quelque part il nous apprend vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que je disais oui, le discours, tout à fait, allons dans cette voie là il y a énormément de choses, de possibilités à faire, etc. Alors que voir une marionnette qui ressemble à une Barbie, finalement, aujourd'hui, que les moteurs actuels, moi, ça fait très poupée de plastique, qui est en train de saigner de la gelée de groseille. Voilà, bon, l'implication, finalement, va être beaucoup moins forte, en tout cas pour moi, il me semble, et pour beaucoup de personnes, que dans un Papers, Please, pour un peu qu'on accepte de, finalement, jouer le jeu du dispositif pour comprendre ou se laisser toucher par le discours qu'il porte. Ce qui est intéressant, c'est quand on cite choses comme Paper Please ou The Story of Mine, puisque Manuel l'a cité juste avant, c'est que ce sont des jeux qui ne marquent pas par leur histoire, dans le sens où des grands récits, enfin des récits de jeux, surtout de jeux vidéo, assez connus comme Walking Dead, qui a fait beaucoup parler de lui. Et en fait, ça me fait penser à un truc que je trouve assez récurrent dans la critique en général, que ce soit de livres, de cinéma ou même de jeux, c'est qu'on se réfère souvent à l'histoire et on juge souvent à l'histoire. Et justement, tu parlais de narration, quelle est la différence entre peut-être le sujet, l'histoire et la narration, en fait? Comment définir la limite entre l'histoire ou le sujet, je sais pas comment nommer ça, voilà, qu'est-ce qui est abordé, le mec qui tue sa belle-sœur ou je sais pas quoi, et ce qui fait sens, est-ce qui va avoir un écho en tant que joueur, que spectateur ou citoyen. Je suis toujours pas vraiment sûr d'avoir bien saisi. La narration, c'est un procédé. C'est un procédé de mise en chaîne des actions, quelque part. Ce procédé, effectivement, permet de produire du sens. Après, c'est là qu'on voit qu'on peut manipuler un peu les choses pour lui donner un sens, l'orienter plus vers telle ou telle chose. C'est tellement quelque chose qu'on a naturalisé qu'on se rend même plus compte qu'on le fait. En fait, on est entraîné quelque part à se penser comme des individus intentionnels. Ce qui fait qu'on se considère responsable de nos actes. Mais c'est là qu'on voit pourquoi ça intéressait beaucoup Aristote. C'est que justement, lui, il voulait qu'on se sente responsable de nos actes. On est entraîné à l'être. Ça produit aussi... civilisation produit ses monstres, on a les monstres qui vont avec ça. Donc après, par rapport à ta question, je sais pas si ça y répond là tel quel. L'histoire, le thème, etc., l'histoire, c'est le produit de la narration. La narration produit l'histoire. C'est une fois que la narration est exécutée, enfin qu'on l'active en la lisant ou en l'écrivant, enfin en la mettant en œuvre, effectivement, ça produit une histoire. Et cette histoire, en plus, elle est, c'est terrible, mais elle est. Là, je vais m'écarter, mais je ne vais pas demeurer là-dessus. Mais l'histoire, en plus, produit une ironie parce qu'elle est systématiquement dans la mémoire. C'est-à-dire que dans la mesure où on la lit, ou on la voit au cinéma, ou on se la raconte, peu importe, elle est automatiquement quelque chose de l'ordre de la mémoire. Elle est quelque chose de l'ordre d'une ironie de la mémoire. Parce qu'en plus, l'histoire, elle est systématiquement rejouée. Comme la mémoire, elle est réactivée. C'est pas des choses qui sont stockées, qui ressortent. C'est des choses qui sont reconstituées systématiquement à partir de briques élémentaires. Et la mémoire que l'on a de l'histoire qu'on vient de vivre, de lire, etc., elle est tout aussi ironique. Elle est aussi finalement très liée à ce qu'on vit au présent. Ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Si on se rappelle d'une histoire qu'on a vécue il y a 10 ans, si on s'en rappelle aujourd'hui, on va la rejouer d'une manière qui apporte quelque chose par rapport à aujourd'hui. Donc oui, il y a une ironie de la mémoire par rapport à ça. Et la narration, c'est le procédé qu'il y a derrière, qui produit ça. Alors... je vais juste en profiter pour replacer une citation que j'aime beaucoup, que j'avais placée lors de ce café débat. Elle est très sympathique. Effectivement, c'est un game designer qui s'appelle Ernest Adams qui l'a dit. C'est tout un article. J'encourage les auditeurs à aller le lire. Un article qui est paru dans Gamma Sutra en 1999. Il est en anglais. Il a été traduit. Le titre français, c'est « Trois problèmes de la narration interactive ». Et il y dit ces deux phrases. L'interactivité est presque à l'opposé de la narration. La narration s'écoule sous la direction de l'auteur, alors que l'interactivité dépend des motivations du joueur. Et un peu plus loin, notre métier ne consiste pas à écrire des histoires. Notre métier est de construire des univers dans lesquels les joueurs peuvent vivre une histoire de leur propre création. Voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je pense que c'est des phrases qui, de manière très synthétique, recoupent et se réemparent de tout ce que je viens de dire. Ouais. Oui, puis du coup, ça a un corollaire, c'est que si on conçoit du jeu, j'imagine que c'est compliqué de produire un style dans le sens où de travailler le style comme l'auteur peut travailler le style. C'est-à-dire que quand bien même on propose une narration ou des embranchements de narration, j'imagine qu'on peut difficilement typer sa narration, typer les récits qu'on produit dans le jeu, que le créateur du jeu peut pas vraiment typer ces récits-là puisqu'ils sont sous la main du joueur la plupart du temps comme il prend des décisions. Oui, effectivement, c'est une des difficultés qui se présentent, c'est que beaucoup de game designers, pour le dire très vite, cherchent à raconter une histoire, mais là, ils sont face effectivement à cette difficulté. Et plus ils souhaitent être auprès de l'histoire qu'ils souhaitent raconter, plus ils sont obligés de contrôler quelque part ce que le joueur va expérimenter. Donc, dans cet article, d'ailleurs, il exprime très bien, il revient sur plusieurs points, là, c'est vraiment deux phrases extraites, mais j'encourage vraiment les gens à aller le lire. Par exemple, il parle notamment du problème de l'amnésie, qui est systématiquement un moyen utilisé pour créer un personnage vide, un creux dans lequel le joueur puisse projeter sa propre personnalité, ses propres souvenirs. Effectivement, c'est une technique assez récurrente. Il est assez intéressant de voir le cinéma avec des Jason Bourne, etc., s'en inspirer. Je voulais revenir à un autre point. On a parlé de la mimésis, on a aussi évoqué légèrement la violence. Il y a un autre point qui est très connu dans la poétique d'Aristote, c'est la catharsis. Et ça, peut-être, je voulais peut-être expliciter ça. Et peut-être en quoi cette mimésis, cette narration est poétique. Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qu'on appelle poétique ou poésie? Alors, on va arriver au sujet de la poésie. Pour la catharsis, bon, c'est un terme qui a toujours fait beaucoup polémique, qui est toujours actuellement très discuté. Pour le coup, je crois que c'est vraiment quelque chose... À mon sens, c'est vraiment un parti pris de ma part. J'encourage les gens à s'emparer de ce terme comme quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, vont réellement éprouver une forme de libération, enfin ça va les soulager d'aller tuer des gens en réseau le soir en entrant chez eux après le boulot. Il y a des gens chez qui ça opère réellement, il y a d'autres gens chez qui ça produit exactement l'inverse. Les études, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la violence dans les jeux vidéo, c'est assez clair aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour donc je vais pas m'attarder dessus du tout, mais très clairement c'est multifactoriel. Donc vraiment, il y a des gens qui vont trouver ce qu'on pourrait appeler une catharsis dans quelque chose, là où d'autres n'y verront, et eux-mêmes n'y vivront que quelque chose qui va les exciter, les mettre dans un état de nervosité, etc. Donc ça marche, c'est quelque chose qui existe, mais qui est vraiment qui dépend beaucoup de la personne et de la façon dont elle s'empare d'un objet. Et donc pour la question poétique, poésie, ce qu'on appelle la poétique, donc le nom poétique, ça renvoie vraiment à une notion qui apparaît avec Aristote et qui va traverser les époques et va être jusqu'au structuraliste. Et le problème, c'est que ça finalement, ça renvoie plus à tout un ensemble de notions, de concepts. C'est quelque chose de finalement assez théorique. C'est plus la théorie. Aujourd'hui, ça se rapprocherait d'esthétique, par exemple. L'esthétique, c'est un des termes qui, à un moment, s'est séparé de ce qu'on appelait la poétique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très savant, très technique, etc. Par contre, quand on dit de quelque chose qu'il est poétique, là, on est dans un adjectif, et c'est qu'effectivement, il nous renvoie à ce qu'on appelle la poésie. Et alors là, qu'est-ce que la poésie ? C'est effectivement un peu le sujet du jour. C'est encore la même chose, il y a eu des tas de définitions et surtout quand on s'y intéresse un peu on se rend compte que clairement la mise en vers de beaucoup de textes au Moyen-Âge n'a plus grand chose à voir avec l'expression des poètes lyriques, l'expression du moi ou des poètes engagés qui expriment leur justement un peu comme Camus le cri de révolte face à l'absurdité du monde. Donc effectivement tenter une définition de la poésie, faut y avoir envie d'y consacrer sa vie, j'ai presque envie de dire. Après, on en a chacun une, quelque part. Moi, ce que je crois, c'est... Enfin, je vais faire le parallèle avec l'histoire de l'art parce que ça me semble beaucoup plus rapide et plus explicite. Là où je veux arriver, en fait, c'est que je crois qu'on est tous poètes. Dans l'histoire de l'art, il y a vraiment un moment où il y a la logique des avant-gardes qui arrive avec la modernité. Avec la logique des avant-gardes, il s'agit systématiquement de contester les pères, mais dans le sens les P-E, accent grave, R-E-S. Et donc, le problème, c'est que ça aboutit à une impasse, qu'on appelle l'impasse de la modernité, où on a des gens qui enseignent à leurs élèves qu'ils doivent les contester. Et c'est ce qui amène notamment aux dérives réactionnaires, entre autres, parce qu'effectivement, à un moment donné, s'il faut contester la contestation, on devient réactionnaire, ça semble très logique quelque part. Donc ça, c'est l'impasse de la modernité, c'est une certaine impasse des avant-gardes, je dis bien une certaine impasse, et c'est face à cette logique des avant-gardes, après-guerre, c'est complètement dilué, elle n'a plus fonctionné, on n'a plus vu que des courants multiples, des phénomènes de croisement, de navigation, des destins individuels qui explorent leur propre voie, etc. Et jusqu'à poser les questions radicales de qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce que l'art, etc. Et à un moment donné, on en arrive au conceptualisme où on a des œuvres qui peuvent, on va dire, visuellement être extrêmement pauvres. Et puis, par contre, il faut un manuel de 20 pages pour les comprendre. Donc là, à un moment donné, finalement, l'œuvre est soumise au discours. Et puis, il y a eu des notions très radicales qui disaient que finalement, tout le monde était artiste, qu'il suffisait de le décider, que quand quelqu'un s'arrête et voit quelque chose de beau, il pourrait très bien l'extraire ou ne pas l'extraire. C'est finalement, l'art est partout et nulle part à la fois, etc. C'est tout à fait recevable. Simplement, on observe que si tout le monde est artiste, tout le monde n'apparaît pas dans les galeries. Et là, il s'agit d'autre chose, il faut avoir envie. Je crois que ça, c'est quelque chose à distinguer, c'est qu'il y a les gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire, qui ont une espèce de nécessité impérieuse de produire quelque chose. Et il y a ceux, et ça peut être la même personne, qui ont envie de challenger dans la reconnaissance, de rentrer dans des circuits, etc. Il faut être tout aussi créatif dans la caca comme de l'autre. C'est très difficile de percer. Moi, j'ai un immense respect pour ceux qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire à vraiment exprimer une singularité tout en perçant. Et si en plus ils arrivent à percer dans quelque chose de pop, dans un objet qui soit à la fois légèrement élitiste, un peu populaire, pour moi, je trouve ça génial. Mais c'est très rare, c'est fabuleux. Mais dans les deux cas, il faut être créatif. Donc, pourquoi ça ? Parce que pour moi, la poésie, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a suffisamment de... Quelque part, on a un certain recul sur l'histoire de l'art, une certaine ironie, un certain scepticisme, peut-être même du désenchantement par rapport à tout ça, ce qui fait qu'on peut être... On est tous poètes, quelque part, parce que la poésie, la possibilité de la poésie existe en chacun de nous. Je crois qu'on la vit tous à un moment donné, sans même savoir qu'on peut appeler ça comme ça. Et voilà. Alors après, par rapport au sujet qui nous intéresse... Ça va être la poésie dans les jeux, donc la façon dont ça intervient dans les jeux. Oui, mais le jeu dans tout ça, comme aurait pu dire Jacques Chancel, parce que là on s'en est quand même bien éloigné, alors c'est très intéressant, au demeurant JB, mais là j'ai besoin que tu nous ramènes dans le droit chemin, de la manette et du DSI face. Comment ça s'applique, comment s'appliquent ces réflexions-là concrètement dans le jeu ? Tu positionnes le concepteur de jeu, j'essaye de parler au sens large, hein, que ce soit jeu de société, jeu de rôle, jeu vidéo ou autre, comme un créateur avec les mêmes problématiques de beauté, de discours à chercher, où est-ce qu'il se situe là-dedans, le créateur de jeu ? Alors, la question du créateur de jeu... on pourrait presque. Bon. S'il y a une intention poétique, bon, son intention va être de produire de la poésie. Son intention peut ne pas être celle-là, mais il peut en produire par accident. Et il peut aussi ne pas en produire par accident, produire quelque chose qui n'a en soi rien de a priori poétique, mais qui va produire une émotion ou une sensation poétique chez la personne qui y jouera. Bon, voilà. Pourquoi je passais par tout ça ? C'est qu'il fallait effectivement introduire. Tout ça pour voir comment ça apparaît concrètement dans le cas du jeu, dans ce cas particulier. Parce que ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, la poésie, elle est en soi avant tout. Donc effectivement, on va dire, bah oui, mais si elle est en soi, quel est l'intérêt de parler de poésie et jeu ? Bah, c'est parce que je pense que si elle est en soi, elle est activée, elle est éveillée, suscitée différemment en fonction des situations, des contextes, etc. Et donc, dans une situation de jeu, face à un jeu, il y a peut-être, c'est une question, des dispositions particulières qui font que la poésie aura des moyens d'émergence différents dans le jeu qu'au cinéma ou dans la rue, enfin dans d'autres situations. Je vais quand même faire cette petite définition ou juste quelques mots sur ce que pour moi pourrait être la poésie. C'est une proposition que je tire de la lecture d'un philosophe français qui s'appelle Alain Cugnot et qui lui-même le tire de la lecture de Leibniz, où il dit en gros la poésie c'est un monde qui échappe au monde et qui pourtant se produit en lui. Donc c'est en fait l'idée qu'il y a une forme d'hétérogénéité du monde. C'est le moment où le monde semble étranger à lui-même. C'est le moment où la poésie, le langage poétique se retourne sur lui-même et semble presque embarrassé quelque part. C'est quelque part ce qui fait que un procédé va s'annuler lui-même en ouvrant une porte sur l'ineffable. Donc justement, dans le cas de la poésie écrite, c'est là qu'on voit tout le paradoxe. Et il y a quelque chose de paradoxal, profondément paradoxal dans la poésie. C'est qu'en fait, par les mots, c'est nous ouvrir une porte sur ce que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est pour ça qu'on ressent toujours cette forme de confusion légère. Il y a quelque chose d'assez étrange comme ça, d'assez flou, qui fait qu'on ne sait jamais exactement de quoi il s'agit quand on parle de la poésie. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est un piège cognitif. C'est ouvrir une porte dans notre cerveau sur ce qui n'est pas accessible par les mots ou par l'image. Donc oui, c'est très difficile à définir. Il y a quelque chose qui m'interroge. Tu dis on est tous un peu poètes, on a tous de la poésie en nous ou on est tous poétiques. Je ne sais pas quel est le bon adjectif utilisé parce que on a tous besoin de poésie en nous. Ce serait bien. Est-ce que ce n'est pas une attitude comme on peut avoir une attitude ludique ou une attitude poétique ? Est-ce que voilà justement est-ce que la poésie n'est pas une question d'attitude dans le sens des idées qui font corps et âme se s'allient vers cette même impossibilité, en fait. Alors, à mon sens, il me semble que ça peut être une attitude, évidemment. Ça peut être celle du poète actif, de celui qui est en train de chercher à saisir quelque chose ou à saisir quelque chose à mettre en forme. Mais ça peut être aussi un surgissement. Ça peut être quelque chose qui nous tombe sur le coin de la gueule au moment où on s'y attend le moins. Ça, c'est la poésie... C'est la poésie de l'éphémère chez Baudelaire. C'est lui, il voit la poésie dans la passante qui passe et il dit je la vois, je saisis quelque chose, il y a une beauté dans cet instant et je sais que je la reverrai jamais, etc. Donc ça peut être ça. J'ai un souvenir personnel comme ça d'un mec avec qui j'avais bossé une nuit et puis il commence à me raconter un but de Zidane. Le mec a une façon de me raconter le but de Zidane. Pour moi, à ce moment-là, c'était de la poésie. Et tel qu'il me le racontait, tel qu'il semblait le vivre, c'était de la poésie, c'est clair. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut à la fois surgir, mais qui peut être également dans l'attitude. Et donc, à mon sens, le créateur, celui qui, par rapport à cette poésie, a peut-être quelque chose à dire, donc celui qui est, entre guillemets, officiellement poète, ou qui a officiellement quelque chose de poétique à proposer, pour moi, c'est quelqu'un qui a une facilité à ouvrir des accès dans l'esprit des autres. Donc c'est quelqu'un qui a une facilité à trouver les mots, à trouver les images, les formes, trouver pourquoi pas le gameplay, qui va être une possibilité pour l'autre d'ouvrir les propres portes de son esprit sur ce qu'on appelle la poésie. Donc c'est cette distinction à faire. Il y a une part active et puis qui peut être présente chez chacun. Mais chez le créateur, il va essayer d'enchasser cette capacité à ouvrir une porte dans un dispositif, dans un objet artistique ou autre. Alors, pour enchaîner... Voilà, je voulais dire un mot sur l'ineffable, parce que j'entends par ineffable, parce que c'est vrai que c'est un mot, là je l'ai employé à peut-être des personnes à qui ça ne dira rien. C'est effectivement ce qui est souvent trop intense pour être dit, c'est ce qu'on ne peut pas dire, c'est ce qui est de l'ordre de l'indicible quelque part. Et ça touche à quelque chose de très particulier en nous, qui est à la fois l'intime, le plus profond, et également qui est très fortement relié en fait à la surface, à la peau, à ce qui est vraiment effleure le monde, effleure l'univers. Et c'est important parce qu'effectivement dans les jeux vidéo, on se met en contact tactile avec des périphériques qui nous relient à des dispositifs électriques qui bouclent sur nous-mêmes, parce que c'est ça le propre du jeu vidéo, c'est cette boucle de rétroaction qui prend le nom de gameplay, avec lequel on joue effectivement, et cette boucle de rétroaction elle referme sur nous-mêmes et on la réactive, etc. Donc en fait, quand on joue à un jeu vidéo, on met en place un circuit, on devient une partie du circuit de la machine, mais la machine devient aussi une partie du circuit de nous-mêmes. Sauf que la machine, elle a été, en tout cas dans le cas d'un jeu programmé, elle a été pensée par des personnes qui eux-mêmes avaient des intentions. Et ça, c'est quelque chose de particulier qui est difficile à appréhender, c'est qu'effectivement, l'intention d'un concepteur apparaît dans ce qu'il conçoit. Et donc, quelque part, un concepteur consciencieux qui aurait une certaine éthique devrait penser les moyens de désamorcer son propre dispositif. Il doit quelque part intégrer sa propre autocritique de manière à redonner le pouvoir au joueur. Je pense que Papers, Please justement le fait bien parce que il a cette façon dans son intention de garder un non-dit, de dire là il y a quelque chose sur lequel je ne me prononcerai pas, c'est à toi de savoir, c'est toi qui sais, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui sais si tu veux arrêter là, continuer, faire quoi que ce soit. Et justement là les gens s'emparent de ça et peuvent se raconter leur propre histoire, ce qui fait qu'on peut se raconter une partie de Papers, Please finalement, alors que c'est un jeu qui a un côté terriblement froid et neutre comme peuvent l'être les gouvernements voilà, de ce type là quoi. Alors c'est vrai que on fait pas mal phosphorer aujourd'hui, donc j'espère que ça va pour vous à la maison, que vous arrivez bien à suivre. Évidemment, vous pourrez retrouver toutes les références citées par JB hein, dans l'accompagnement du podcast. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets qui accompagnent cette pensée théorique ? En fait, j'allais y venir justement. J'étais en train de dire, c'est sur ça qu'il faut que j'arrive maintenant. C'est justement le qu'est-ce qu'il y a de propre dans le jeu qui va produire quelque chose de poétique. Alors, j'ai beaucoup. Moi, je me prépare pour ce genre de choses. Je questionne beaucoup les gens autour de moi, les amis, les proches, des gens qui peut-être ont très peu une expérience très succincte du jeu. Et ça m'a intéressé d'entendre leurs réponses. Il en ressortait plusieurs choses. Un exemple concret et personnel sur le jeu, ça a été pour moi. C'est qu'en fait, en ayant ces témoignages, ça permet de voir où est-ce qu'on se situe. Il y a souvent, très souvent, ce qui arrive, c'est l'image. Finalement, il y a une relation particulière à l'image. Il y a une image qui soudain nous saisit ou s'empare de nous, et là, il y a quelque chose de poétique qui se passe. Mais là, on pourrait dire, mais oui, mais ça, c'est réductible à l'image. En quoi le jeu vidéo, etc. Mais en écoutant attentivement, je me suis rendu compte que quand les personnes en parlaient, elles parlaient souvent d'une image qui apparaissait ou dont on se saisissait à un moment particulier. Alors, j'ai un exemple que je trouve génial parce que je l'ai vécu aussi. C'est Doom. Dans Doom, on rentre dans une pièce, on est... c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça semble assez curieux, mais à l'époque, je sais qu'on avait un sentiment terrifiant de se dire, mais comment le mec garde espoir? Comment il fait pour... Il est seul dans des bases terribles, etc. Et comment il fait pour continuer à avoir la volonté de se battre contre de telles hordes de démons? Voilà. Et donc, il y avait ce côté d'épuisement, de désespéré, etc. Et des fois, au détour d'un carnage, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire dans Doom, on saisissait, il y avait cette image de fond. C'était le screen de fond de la map et on pouvait jamais le saisir entièrement parce qu'il y avait toujours un mur qui faisait que le bas de l'image, on ne pouvait pas le voir entièrement. Alors effectivement, après, il y avait quelques glitches qui permettaient de voir, et c'était souvent très décevant d'ailleurs, parce que là, ben, la suggestion tombait. C'est-à-dire qu'effectivement, cette image, elle suggérait qu'il y avait quelque chose au-delà, et là, on pouvait y projeter quelque chose de nous-mêmes, on pouvait y projeter cette part d'ineffable. Et c'est pas complètement bête de dire que ça l'a fait dans Doom, parce qu'une des images de fond qui était assez saisissante, c'était en fait une photo très mal, enfin avec une dégueulasse, qui représentait en fait ces montagnes dont s'est inspiré Cameron pour Avatar. Ces monts en Chine très célèbres, ils avaient trouvé une image de ça, ils l'ont mis en image de fond. Et voilà, donc c'est étonnant de voir qu'en fait ces montagnes, elles ont une forme, elles ont une puissance d'évocation, et des Doom, ça marche. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que par rapport au dispositif jeu, c'est que l'image qui nous saisit, elle nous saisit au cours de l'action, mais pas en plein milieu, ça peut être le cas, mais à un moment particulier, c'est-à-dire le moment où on a fini ce qu'il y avait à faire. Ce qu'il y avait à faire, c'est tuer les monstres, récolter les munitions, les packs de vie, etc. Et là, il y a un moment où il y a un temps d'arrêt. On sait qu'il va falloir continuer, qu'on va aller à la porte de sortie, qu'on va aller sur l'arène suivante, mais il y a cette espèce de temps mort. Et souvent, la poésie, elle apparaît comme ça dans les interstices, dans les entre-deux, dans les choses un peu mutantes, un peu hybrides. Je voyais sur un autre jeu extrêmement simple, qui personne ne connaît, une sorte de jeu où il faut assembler des paires. Là, c'est des paires d'ailes de papillons. Et puis, il y a le moment où le papillon s'envole. Et puis, des fois, quand on fait des combos, il y a 3-4 papillons qui s'envolent comme ça. Puis, il y a un moment comme ça, une forme de passage. Mais il y a le timer. Donc, il faut continuer. Donc, en fait, on est pris entre cette volonté de s'arrêter, de regarder, d'être dans la contemplation, quelque part, de quelque chose qui nous saisit, qui nous interpelle. Et puis, en même temps, la partie qui continue. Et ça, quelque part, ça offre une très bonne métaphore de la vie, je trouve. Alors, si je dis pas de bêtises, tu me diras si je me trompe, hein, mais cette histoire d'aile de papillon, c'est pas dans un jeu qui s'appelle Bejeweled de PopCap? Parce que pour le coup, de mémoire, je crois que c'est un match 3 qui a un mode avec effectivement des papillons comme ça, et où quand on fait des combos, il y a effectivement ce moment d'émerveillement où d'un seul coup les choses se mettent à bouger différemment de ce que propose le jeu habituellement. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand tu parles de cette espèce d'épiphanie, de moment éphémère, comme ça, de sublimation, une sorte de contemplation de son action, une contemplation de la rétroaction. J'ai utilisé le terme que tu as employé. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans ce fameux flow qui est utilisé dans le jeu vidéo pour exprimer ce moment où le joueur contemple ce qu'il est en train de faire, pas forcément consciemment? Je vois ce que tu veux dire. C'est une autre approche. Je vais en reparler plutôt juste après. Parce que là, dans le cas précis, il y a quand même un moment de suspens. Donc, il y a un moment où la partie nous échappe, justement. Où quelque part, la machine fait sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une récompense. Enfin, en termes de game design, c'est ça, qu'on produit une action et l'action est récompensée par une rétroaction qui encourage le joueur à continuer son action. Mais dans le cas précis, justement, il y a un moment de suspens. Il y a un moment où la volonté de continuer à actionner, elle s'arrête. Quelque part, on n'a presque plus envie. On aurait presque envie que la partie s'arrête là. On s'arrête dans la contemplation d'une image. Donc, c'est un peu particulier. L'état de flux dont tu parlais, de flow. Ouais. Moi, c'est la même chose que l'état de flux, ou tu voulais parler d'autre chose? D'accord. En fait, ça, c'est quelque chose dont je voulais parler. Je vais peut-être y revenir après, parce que j'ai quelques autres exemples juste avant. Voilà, à titre personnel, pour les gens qui ont vécu Myst à l'époque, c'est pareil, il y avait ce temps un peu suspendu. Bon, là, tout le dispositif était très poétique, très évident. Et il y avait un espèce d'épuisement de la contemplation qui faisait que finalement, à un moment, il y avait une espèce de volonté quand même d'en finir avec ces puzzles pour aller à la phase suivante, etc. Mais là, c'est marrant parce que la poésie, dans le cas de Myst, elle apparaît comme presque une récompense. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine inclinaison, une certaine volonté de se laisser porter dans quelque chose comme ça de très contemplatif. Et donc en travaillant là-dessus, ça c'est un cas particulier où on voit qu'il y a une spécificité de l'objet vidéoludique par rapport à ça. Mais je voulais aller voir un petit peu plus loin parce que dans mon expérience de joueur, il y a quelque chose qui, moi, pour moi, a provoqué quelque chose des sentiments, quelque chose de très poétique, c'est Quake 3, ou plus précisément Quake Live. En fait, dans Quake Live, on est amené à manipuler donc un personnage qui, enfin, c'est un FPS, un fast FPS, ça va très très vite. Il y a effectivement, on atteint un état de flux, donc c'est ce moment où la prise de décision va exactement à la même vitesse que la conscience et on s'oublie dans l'action quelque part. Ça peut nous arriver aussi dans une, enfin, c'est un peu différent, mais des fois dans la conduite, on a ce moment où on se dit, oh là, mais ça fait 3 km que je conduis et puis en fait j'étais complètement ailleurs, quoi. On l'a tous vécu, bon, dans la conduite c'est évidemment à déconseiller, mais c'est un cas un peu différent parce que généralement dans la conduite on est ailleurs, dans le sens où on pense à autre chose. Dans une partie de Quake 3, c'est tellement rapide qu'on est complètement, il n'y a plus de distanciation entre soi et sa prise de décision. Et là, il y a un moment donné où on fait corps, j'ai envie de dire, avec le code. C'est là qu'on se rend compte que les mecs ont pondu ça avec quand même un rapport au code, etc., qui est très particulier. Et il y a une forme d'élégance qui s'en dégage. On arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'arabesque, où il y a une espèce de ballet comme ça, de variables qui se déploient dans l'espace. Et il y a véritablement, pour moi en tout cas, à ce moment-là, une émotion vraiment poétique, quelque chose d'abstrait, d'esthétique, qui est dans la ligne, l'architecture. Moi, c'est souvent des choses qui me parlent énormément. Et là, je l'ai rencontré. Mais pour moi, là, il y a peut-être une poétique du code. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une poésie dans la codification du mouvement dans Quake 3. Dans mon cas, je parle pour moi. Et là, on est encore dans autre chose. C'est plus le rapport à l'image, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment le calcul à l'œuvre en direct et en lien avec soi, la façon dont on boucle ce calcul sur soi-même. Oui, dans le rapport à l'œuvre et dans l'expérience contemplative, moi j'avais deux jeux en tête, un jeu mobile qui a peut-être été porté sur ordinateur depuis d'ailleurs, mais je suis pas sûr, et un jeu sur ordinateur. Le jeu mobile c'est Mountain et le jeu sur ordinateur c'est Proteus, qui sont un peu sur les mêmes prémices, qui sont deux jeux qui vont proposer un paysage donné à observer, à voir évoluer, mais sans but, sans action, et c'est presque la limite du jeu, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, dans Proteus, plus que dans Mountain. Dans Mountain on voit la montagne et c'est tout, dans Proteus on peut se déplacer dans le paysage, une espèce d'île, mais on n'a pas d'action, d'interaction, on n'a pas de but, ce qui provoque aussi un désœuvrement de la part du joueur. Est-ce que dans la poétique du jeu, il n'y a pas aussi une notion de direction, d'action du joueur? C'est justement le dernier exemple, quelque part, enfin, c'est sur lequel je voulais aboutir. C'est qu'effectivement, c'est des cas plus rares, plus difficiles à trouver, peut-être. C'est le moment où le gameplay lui-même dégage quelque chose de poétique. Pour le coup, c'est pas facile d'en trouver. Bon, j'ai un exemple qui est très simple, qui parlera à beaucoup, je pense. C'est. Je vais pas avoir le nom. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on dirige deux frères et chaque frère est contrôlé par un des pads de la manette. Et ils doivent collaborer ensemble pour surmonter un certain nombre d'épreuves. Donc ça veut dire que c'est drôle parce qu'ils sont un peu comme les deux doigts de la main, quoi. On voit que l'expression a été prise quelque part au pied de la lettre. Là on a vraiment quelque chose dans le lien, dans la relation. La poésie, c'est souvent ce suspens qui est dans la relation. Il y a une espèce de un point de neutralité dans ce mouvement de la relation. Et là en fait, à ce moment là le gameplay devient directement une analogie directe de ce lien, de cette relation. Et donc là on voit très bien comment le gameplay de manière mais vraiment immédiate devient un vecteur poétique. Ça pourrait être de frères, ça pourrait être tout aussi bien être de comètes qui naviguent dans l'espace, ça pourrait être de cubes dans un univers abstrait. Dès lors qu'ils interagissent, qu'il se passe des choses entre eux, qu'ils sont amenés à collaborer et peut-être à par moments à se fâcher ou autre, eh bien effectivement on voit qu'il va se passer quelque chose et que cette chose là elle peut produire une émotion, enfin quelque chose de l'ordre de la poésie chez un joueur. C'est assez proche finalement de ce qu'on peut trouver dans Journey, où on peut croiser d'autres personnages de joueurs sans vraiment pouvoir discuter avec eux, et du coup ça se joue effectivement exclusivement au mouvement, à ce qu'on va pouvoir faire avec les contrôles du jeu, qu'on va pouvoir réussir à échanger, à transmettre un tout petit peu d'informations. Alors, ouais, tout à fait. Et c'est un des aspects de la poésie, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette zone de perte. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte. Une fois, j'entendais deux poètes à Rennes sur la péniche spectacle qui disaient oui, en fait, un poète, c'est quelqu'un qui a une perte et qui arrive à en parler de manière à ce que ça parle à tout le monde. Donc c'est le très ancien sujet de la mélancolie quelque part. Là, sans aller jusqu'à la notion de la mélancolie, effectivement, il y a une déperdition. On perd la capacité du langage quelque part, effectivement, de l'écrit, du texte, etc. Et donc, on est obligé de se focaliser autrement, de se rendre sensible, disponible à une autre forme de présence qui va être celle du geste, celle du mouvement, etc. Donc on est effectivement dans quelque chose de poétique, mais qui est plus proche finalement de la danse ou de cette arabesque du code dont je parlais tout à l'heure qui apparaît dans le mouvement. Effectivement, il se passe des choses de cet ordre-là et qu'on ne pourra jamais trouver que dans le jeu. Enfin, sauf tout un ensemble de dispositifs qui seront proches de quelque chose entre le jeu et l'art contemporain, où effectivement il peut y avoir des tas de propositions avec boucles de rétroaction, etc. Mais effectivement, il y a ce moment de relation avec soi-même, parce que c'est ça qui est très particulier dans le jeu vidéo. Il y a le cas particulier du multijoueur qu'on voit dans... Alors c'est là qu'on voit que Journée est un exemple fantastique parce qu'il permet de questionner tous les cas. Mais effectivement, dans le jeu solo, on boucle sur soi-même et on produit des effets. Et à un moment donné, il y a ce temps de suspens, ce temps d'arrêt où quelque part, le jeu semble nous parler de quelque chose qui est un autre monde, qui est hors du jeu, mais qui pourtant se produit en lui. Un autre monde. Malaise. merci beaucoup JB pour cet exposé. C'était presque plus un exposé qu'une interview, mais il y avait tellement de choses à dire et puis tu avais un propos bien structuré, on n'allait pas interrompre avec trop de bêtises. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir parlé de tout ça. Je trouvais ça à titre personnel vraiment très intéressant. Je vais passer la main à Adrien qui a fait l'ouverture du podcast, comme ça il va pouvoir tranquillement nous amener vers la fin. La boucle est bouclée, c'est ça. Et oui, donc on a la question traditionnelle de notre podcast qui est en ce moment à quoi tu joues? Alors d'abord, merci à vous également, ça a été un vrai plaisir. Alors actuellement je joue à Morrowind, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le overhaul chez moi, donc cet énorme pack de mods qui a été incroyablement bien travaillé par la confrérie des traducteurs. Le mod aujourd'hui en version anglaise est à la version 3, dans la confrérie des traducteurs ils ont travaillé sur la 2.2 il me semble. C'est très dur à équilibrer, mais une fois que ça marche et qu'on a trouvé ce qui nous convient, c'est vraiment super, vraiment très très beau travail. Bon, je l'avais fait il y a très longtemps sur Xbox, et oui, ça prouve bien que face à cette perte, justement la nostalgie du joueur aussi fonctionne beaucoup, c'est-à-dire le temps passé qui nous montre que le jeu souvent est cette nostalgie dont émerge beaucoup de poésie souvent. Et aussi lié à un moment du jeu, le moment où on a découvert le jeu en question. Et dernier petit mot, tout ce que je viens de dire en fait dans ce podcast, et bon ben revoyez Ghost in the Shell, tout est dedans. Eh ben merci beaucoup JB, c'était notre 25e podcast de Ludologie. Rassurez-vous, on a encore plein d'autres invités à recevoir et plein d'autres questions à interroger sur bande, je dirais bande numérique. Et on se retrouve dans 15 jours pour un autre sujet. Assez balèze aussi, je crois qu'il sera question d'esthétique, mais je ne suis pas sûr. Bref, je verrai ça dans 15 jours avec vous si vous êtes encore présents. À bientôt.